À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée et du premier anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, l'exposition de livres, de photos et d'objets d'artisanat coréen a eu lieu du 8 au 15 juin à la ville de Pskov, Russie. Dans la salle d'exposition étaient exhibées les photos qui présentent la vie méritoire et les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et les photos des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, y étaient exposées les œuvres classiques des grands hommes d'Ektusan, les photos montrant la brillante réalité de la Corée du Sungun en grand essor, et les objets d'artisanat imbus du grand talent créatif des Coréens. Y ont pris part les personnalités de diverses unités, comme l'administration et l'assemblée de la région et de la ville de Pskov, et les habitants, ainsi que la délégation coréenne de la Direction générale des expositions extérieures. Les participants ont déposé une corbeille de fleurs devant les photos du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un avant de leur rendre hommage. À la cérémonie d'ouverture, on a projeté le documentaire coréen « Pyongyang Prospère » et il y a eu la représentation de célébration des artistes russes.